Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Promutuelle Assurance est fière de présenter ce balado. Assurance auto, habitation et entreprise, on est là pour vous offrir les protections adaptées à vos besoins. Pour assurer votre paix d'esprit, Promutuelle Assurance est là. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Jimmy Hoffa, l'omnipuissant patron des Teamsters. I don't think there's any law that can be drafted by Congress that can put the Teamsters International Union out of business as long as they say we have a right to organize. Aucune loi américaine ne pourra faire disparaître le syndicat des Teamsters tant et aussi longtemps que le droit d'association syndicale va continuer d'exister. C'est ce que vous venez d'entendre de la bouche de Jimmy Hoffa. Et au moment où il prononce ces paroles en entrevue avec nos collègues de la CBC au mois d'août 1960, Jimmy Hoffa est à la tête d'un des plus importants syndicats aux États-Unis, le syndicat des Teamsters. Et le ton qu'il a, ce ton défiant de Jimmy Hoffa, est celui d'un homme ultra-puissant, mais dont la proximité avec le crime organisé dérange de plus en plus de monde à Washington, ce qui va finir par conduire à sa perte. Il est peu connu, le fils, mais le père, lui, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un de non seulement de très connu, mais c'est un véritable personnage aux États-Unis. Une légende, en fait. Jimmy Hoffa, père, contrairement à son fils, lui, n'avait pas d'éducation, il n'avait qu'une septième année. Mais ça n'a pas empêché de devenir le président des Teamsters, alors que c'était le syndicat vraiment le plus riche, le plus puissant au monde, avec 2 millions de membres. C'était dans les années 60. C'était, Jimmy Hoffa, un leader charismatique qui avait réussi à faire tripler le salaire des routiers, mais il a été accusé d'avoir permis à la pègre de puiser dans le fonds de pension du syndicat pour des emprunts louches. Il a fini par passer 4 ans en prison pour fraude et manipulation d'un jury. En 1971, par contre, le président Nixon avait commué sa sentence. Bon, en 71, vous dites, il ressort. En 75, il disparaît du décor et c'est vraiment pas une figure de style. Pas du tout, hein. Il disparaît complètement alors qu'il sortait d'un restaurant à Détroit. On ne l'a jamais revu. On n'a jamais retrouvé son corps. La théorie la plus répandue sur son sort, c'est que la pègre, en fait, l'a fait disparaître carrément. Extrait de l'émission Les Actualités du 5 septembre 1995. Vous y entendiez la journaliste Denise Faye et l'animatrice Gisèle Lalande pour nous présenter ce très singulier parcours de ce très singulier personnage qu'était Jimmy Hoffa. Je reçois Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Karine, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Qu'est-ce qu'il représente? Que représente Jimmy Hoffa, cette figure de Jimmy Hoffa pour les Américains, Karine? Il représente plusieurs choses. D'abord, il représente le pouvoir des syndicats aux États-Unis dans une période où ce genre d'institution était peu courante. C'est une figure très populaire, aussi très charismatique, parce qu'il prenait le parti des petits travailleurs. Il était lui-même issu de ce milieu-là, alors que par ailleurs, de grandes fortunes se construisent. Donc, il représente à la fois un espoir pour les petits travailleurs, mais en même temps, pour Washington, pour le pouvoir politique, il représente tout ce qu'il y a de corrompu dans les syndicats, parce qu'il est à coquiner avec des mafieux. Et donc, il y a aussi cette espèce d'aura de soufre qui l'entoure, qui, en même temps, fascine et effraie, bien sûr. Syndicaliste très, très puissant à une époque où les syndicats comptent. Oui, absolument. Et il y a d'autres grandes vedettes du syndicalisme à cette époque-là. On peut penser à George Meany, par exemple, qui est à la tête du AFL-CIO, qui est le plus gros syndicat aux États-Unis, 15 millions de membres. Ce sont ces deux gros syndicats, les Teamsters de Hoffa et l'AFL-CIO de Meany, qui s'affrontent souvent dans des luttes. Et ce sont deux antithèses, dans la mesure où Meany a passé sa carrière à lutter contre la corruption, a essayé d'éviter justement de s'acoquiner avec les mafieux, alors qu'Hoffa, lui, c'est le contraire, il va embrasser cette culture-là qu'on va retrouver dans certains milieux, en particulier le milieu du transport, où les Teamsters vont être particulièrement actifs. Et c'est une culture très dure, et c'est connu dans la population. Moi, je me souviens que mon père me parlait des Teamsters, cette culture de violence, le syndicalisme, tout à fait. Très musclé. Oui. Ouais. Et très tôt dans sa vie, il va tomber là-dedans, en quelque sorte, parce que, il faut le dire tout de suite, il est lui-même issu de la classe ouvrière. Donc, il voit bien, là, parce qu'il y a vraiment une forme d'exploitation. Ça, il le voit. Oui, absolument. Parce que là, on parle des années 20, des années 30. Hoffa est né en 1913 en Indiana. Son père travaille dans les mines de charbon. Ce ne sont vraiment pas de belles conditions de travail, en particulier à cette époque-là. D'ailleurs, son père va mourir assez jeune et sa mère va déménager à Détroit avec ses 4 enfants. Et donc, il est confronté très tôt aux conditions de travail misérables des gens. déjà. Ouais. Des salaires de misère, des heures de travail abominables, des abus aussi régulièrement par les patrons. Alors, il va prendre à cœur très rapidement le sort des ouvriers. Et dès son premier emploi, il est manutentionnaire pour des épiceries, il va organiser sa première grève, il n'a même pas 20 ans, parce qu'il juge justement que les conditions des travailleurs sont abominables. Et il va refuser de continuer à charger les camions tant que la situation ne s'améliore pas. Et il va gagner sa cause. Donc, ça va très rapidement lui donner un certain prestige et il a pu rapidement mettre en œuvre ses qualités de leader dans cette organisation. Ce qui fait qu'il va se retrouver assez vite dans cette grande structure syndicale que sont les Teamsters. Mmh. Remarquez, au début des années 30, c'est pas ce que ce sera quand Offa sera à la tête du syndicat. Là, on regarde les chiffres, puis il y a vraiment ce syndicat-là explose. Oui. Parlez-nous de ça, de ses débuts chez les Teamsters, puis peut-être justement de cette progression, à quoi ça ressemble au début, puis comment ça va se développer. Mais en fait, Offa va être remarqué par les Teamsters justement en raison de son travail actif alors qu'il est manutentionnaire pour cette épicerie. Il va être recruté par le local 299 à Détroit et très rapidement, on va essayer de mettre à profit ses qualités de leader, bien sûr, et d'organisateur en particulier. À cette époque, effectivement, les Teamsters, le International Brotherhood of Teamsters, de son nom complet, c'est un syndicat qui est petit, qui est fondé en 1903, donc pas très longtemps avant la naissance de Offa. Quand Offa y arrive, dans les années 30, c'est 75 000 membres, donc c'est un tout petit syndicat, mais 10 ans plus tard, il y a 500 000 membres. Dans les années 50, 1 million de membres. Et au sommet du pouvoir de cette organisation syndicale, on parle de 2 millions de membres. Donc, pendant le temps où Offa est là, à mesure qu'il gravit les échelons, bien, il réussit à attirer un très grand nombre de travailleurs et il va en faire un des syndicats les plus importants aux États-Unis. Oui. Il faut dire qu'il est d'une efficacité redoutable, Jimmy Offa, mais le pendant de ça, c'est qu'il n'est pas très scrupuleux sur la manière de faire des gains. Parlez-moi un petit peu de la... On a parlé déjà de violence, mais de la méthode Offa. Mais en fait, Offa privilégie les actions d'éclat, les coups spectaculaires, parce qu'il souhaite attirer le regard des médias, mais aussi des autres patrons, des autres travailleurs, justement pour créer des effets d'enchaînement, d'entraînement. Alors, il va privilégier essentiellement les grèves éclairs, des boycotts, donc des actions courtes, rapides, imprévisibles. Il ne va pas annoncer à l'avance ses coups. Donc, on y va vraiment avec du spectaculaire. Les négociations sont toujours, ou en tout cas souvent, très violentes. Il y a un peu de brasse camarade et on veut vraiment démontrer notre pouvoir, quitte à utiliser la manière physique pour y arriver. Et ça va lui donner beaucoup de succès. Notamment, il va réussir à attirer les chauffeurs de camions des États-Unis et du Canada à l'intérieur des Teamsters. Il va essayer aussi d'avoir tous les travailleurs des aéroports, par exemple. Ça fonctionnera pas, mais au final, le syndicat des Teamsters va contrôler 90 % des travailleurs liés au transport Canada-États-Unis. C'est quand même pas rien. Ouais. Et c'est ça qui fait la force aussi de ce syndicat. Mais les méthodes particulièrement spectaculaires et brutales de Offa vont être la marque de commerce des Teamsters pendant tout le temps d'Offa à la tête du syndicat. Mais il faut dire que ça joue dur des deux côtés. Du côté patronal, c'est l'époque, hein? Du fier à bras, il y en a des deux côtés. Oui, parce qu'il n'y a pas de loi de normes de travail, par exemple, il n'y a pas de protection pour les travailleurs. Alors, on est vraiment là au tout début de la protection des travailleurs. Alors, forcément, les patrons n'hésitent pas non plus à envoyer des fiers à bras pour tabasser les ouvriers quand c'est nécessaire. La force d'Offa, c'est aussi sa personnalité. C'est vraiment quelqu'un qui en mène très, très large, mais qui en impose. Quel genre d'homme il est, Jimmy Offa, Karine Brébon? C'est un type très charismatique. C'est quelqu'un qui a des qualités d'orateur avérées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait recruté chez les Teamsters. C'est quelqu'un qui travaille. C'est un travailleur. Il est toujours là. Il est toujours impliqué. Il est dévoué à la cause des travailleurs. Donc, il y a cette conviction, déjà. C'est pas une enveloppe vide. C'est pas simplement pour se faire du capital politique. Il y croit. Il travaille aussi. Il n'hésite pas à salir les mains. Bon, jusqu'à se mettre dans le pétrin, bien sûr, mais il est là sur le plancher des vaches avec les travailleurs et il est prêt à défendre leurs droits. Et c'est ça qui va le rendre aussi intéressant, aussi sympathique aussi aux yeux des travailleurs. Un vrai, il est de notre côté. Un vrai syndicaliste, il est avec nous, il nous défend pour vrai, il prend pour nous pour vrai. Et ça, évidemment, ça va circuler auprès du membership, ce qui fait que le nombre de membres va exploser, comme on l'a vu il y a un instant. Il devient président des Teamsters officiellement en 1957, Jimmy Offa. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est dans le syndicat. Dans quelles circonstances il accède à la présidence du syndicat? En fait, il y a une course à la présidence qui s'effectue en 1957 parce que le président de l'époque, Dave Beck, sera interrogé par la commission McClellan, qui est la commission sur le crime organisé du Congrès américain. Et comme il s'est parjuré, comme il est un peu dans le trouble, en fait, il sera éventuellement accusé et trouvé coupable de fraude. Il sera emprisonné. Et évidemment, ça va faciliter un peu la campagne de Offa. Mais il était déjà très populaire. Sa campagne allait déjà bon train. Alors, mais c'est dans cette atmosphère-là, en tout cas, que la course à la présidence s'effectue au sein des Teamsters en 57. Et cette commission-là s'intéresse particulièrement à ce moment-là au mouvement syndical mm-hmm. qu'on soupçonne et qu'on accuse d'être très, très proche du crime organisé. Ce qui est intéressant, puis on va tout de suite entendre un extrait de la commission, des travaux de la commission, mais c'est qu'il va lui-même, Jimmy Hoffa, témoigner mm-hmm. à la commission McClellan et que son témoignage à la commission va participer à son succès auprès des Teamsters. On l'entend donc en 57, c'est Robert Kennedy qui l'interroge à ce moment-là à la commission McClellan. Et vous allez voir, cet échange qui est devenu célèbre entre Jimmy Hoffa et Robert Kennedy est assez représentatif du bras de fer qui va jouer entre les frères Kennedy, John et Robert, et Jimmy Hoffa au tournant des années 60. Mr. Hoffa, that would make a great deal of sense. Monsieur Hoffa, je serais plus réceptif à vos arguments si seulement vous n'aviez pas une quinzaine de personnes avec un dossier criminel sous votre juridiction à Détroit. Sans oublier vos liens avec Joey Glimco à Chicago. Je pense que vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de tous ces gens. Peu importe où vous allez aux États-Unis, vous tissez des liens avec des gangsters et des racketteurs. Ce n'est pas très étonnant ensuite de vous voir accepter leur argent. Monsieur Kennedy, c'est très choquant de vous entendre me mêler à tout ça et à cet argent taché de sang. Ce qui s'est passé dans la vie de ces gens ne représente pas nécessairement ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont peut-être devenus de bonnes personnes, mais vous ne leur donnez pas une chance de le prouver. They may be nice people today, you don't give them a chance to prove they're nice. They may be nice people. C'est assez savoureux, cet extrait. Puis encore une fois, ça va devenir célèbre parce que Kennedy l'accuse de ne pas... de se laisser endormir, en fait, de ne pas... You're not tough enough mm-hmm. Par rapport à ces gens de peu fréquentables qui sont mm-hmm. autour de vous. Et ça donne une petite idée, Karine Prémont, vraiment de ce bras de fer qui va exister. Les Kennedy vont le prendre vraiment comme pour cible, Jimmy Hoffa, oui. John Kennedy, mais Bobby Kennedy aussi. Bobby en particulier. Il faut dire que le gouvernement fédéral, à ce moment-là, est déterminé à affaiblir, voire à détruire le crime organisé aux États-Unis. C'est un combat que Bobby Kennedy va mener dès son arrivée au Congrès, dans cette commission McClellan, lorsqu'il sera procureur général, aussi lorsque son frère John sera élu à la présidence. Donc, ce sera le combat de Bobby Kennedy d'affaiblir ce crime organisé. Et donc, il décide, à la fin des années 50, par le biais de cette commission-là, de s'en prendre aux syndicats, parce qu'à l'époque, mafia et syndicats, là, étaient difficile à distinguer, ouais. En particulier dans certains endroits et dans certains milieux de travail, notamment le transport. Et donc, il y a cet échange qui s'effectue entre les Kennedy et Hoffa. Et très rapidement, il y a une très forte antipathie, voire une haine viscérale qui va s'installer entre Bobby Kennedy et Jimmy Hoffa. Et Kennedy va dire qu'il est tellement sûr que Hoffa agit de façon malhonnête, qu'il profite du crime organisé, qu'il utilise la violence, la corruption, qu'il va dire « Je suis prêt à sauter du toit du Capitole si jamais il est trouvé. Il est innocenté par cette commission. » Et il sera innocenté par la commission parce qu'on n'est pas capable de prouver ses liens avec la mafia. Il sera par contre inculpé de possession de documents illégaux parce que pendant la commission, Hoffa va offrir de l'argent au procureur pour obtenir des documents qui vont peut-être pouvoir l'aider à se disculper. Il se fait prendre à faire ça, mais c'est la seule inculpation qu'on pourra retenir contre lui. Et d'ailleurs, l'avocat d'Hoffa va dire « Je suis prêt à payer le parachute à Kennedy lorsqu'il sautera du Capitole. » Mais ça, pour Bobby Kennedy, ce sera une défaite humiliante. Ouais. Il n'aura de cesse par la suite de vouloir attraper Hoffa. Il en fait une obsession. Et on va l'accuser de ça. On va lui dire « C'est une vendetta. Pourquoi t'en prends-tu à ce point à Hoffa? » C'est devenu personnel ultimement. Et effectivement, là, il y aura ce conflit, ce combat entre les deux hommes pendant des années. Ça va prendre du temps. Donc, 57, son témoignage à la commission McClellan. Mais dans les années 60, ça commence. On commence à se rapprocher. L'étau se resserre sur Jimmy mm-hmm. Hoffa. Puis à partir du début des années 60, Karine Prémont, il va subir une série de procès qui vont finalement finir par le conduire en prison. Comment finira-t-on par le coffrer? En fait, ce qui arrive souvent avec les gens qui ont du pouvoir, c'est qu'à un moment donné, ils commencent à se croire invulnérables, ils commencent à adopter des comportements qui sont un peu moins discrets. Et Jimmy Hoffa va moins se cacher des relations qu'il entretient avec le crime organisé. Il sera moins prudent, autrement dit. Il va se faire attraper pour des événements, des actions un peu parallèles au monde syndical, tout d'abord. Les premières accusations viennent de la Floride en 1961 dans une affaire de fraude immobilière. Le procès va avorter pour des raisons techniques, mais dès l'année suivante, à Nashville, autre procès pour tentative d'extorsion. Le syndicat des Teamsters, dirigé par AFA, demandait des cotisations au patron en échange de la paix syndicale. À défaut de quoi, on va faire le trouble dans votre usine. Alors, il fonctionnait beaucoup comme ça. Il se fait prendre. Ce procès va aussi mener à une impasse parce qu'il n'y aura pas d'entente, de verdict possible au sein du jury. Mais en 64, là, le vent va tourner. De janvier à mars 64, suite au procès de Nashville, Hoffa sera accusé d'avoir tenté d'acheter les membres du jury, parce que c'est ce qu'il a tenté de faire en 62. Il a été pris et là, il va être trouvé coupable. Il va écoper d'une sentence de 8 ans de prison et d'une amende de 10 000 $. Alors là, c'est le début de la fin pour Hoffa. Et peu après, de mai à août 64, un deuxième procès à Chicago pour fraude, conspiration, en lien avec l'affaire de Floride, dont on a discuté, mais aussi d'autres fraudes immobilières, là, de façon plus générale. Il sera aussi trouvé coupable. Va être condamné à 5 ans de prison à purger après son 8 ans. Donc là, c'est terminé à ce moment-là pour Hoffa. Il est condamné. Il a cette peine de prison qui lui pend au bout du nez. Et il se retrouve en prison en 67, de mémoire? En 67, il est envoyé à la prison fédérale de Lewisburg, en Pennsylvanie, pour purger ses deux peines consécutives. Most unions were giving their money, their campaign money to Democrats. La plupart des syndicats donnaient de l'argent aux démocrates. Hoffa, lui, donnait plutôt son argent à ceux qui pourraient aider les Teamsters, qu'ils soient démocrates ou républicains. Lorsqu'il était en prison au début des années 70, c'est Richard Nixon qui était président des États-Unis et il a décidé de diriger ses dons vers les républicains de Nixon. Et en échange, il a reçu un pardon présidentiel. Nixon and the Republicans, and in exchange, he received a pardon. Je suis très heureux que le président Nixon ait accepté de signer mes papiers de commutation, même si je ne peux pas encore dire quel effet ça aura sur les membres du syndicat. Mais selon moi, c'est une commutation de peine régulière qui a été faite dans les règles de l'art. Pourquoi Nixon lui a-t-il accordé ce pardon si Hoffa avait si mauvaise réputation et qu'il était même perçu comme un gangster? Beaucoup de gens se posaient la question à l'époque. En fait, ça en dit long sur Nixon. Ce n'était qu'une nouvelle démonstration du fait qu'il ne jouait pas selon les règles. Il était paranoïaque et ce pardon en était un bel exemple. Ici, on avait affaire à Nixon, le négociateur. Extrait du documentaire Killing Jimmy Hoffa, réalisé par Alan Bradley en 2014. Vous entendiez dans cet extrait les auteurs Thaddeus Russell et George Anastasia, ainsi que Jimmy Hoffa lui-même. Comment expliquer cette décision-là qui, effectivement, peut paraître étrange, Karine Prémont, cette décision de Richard Nixon de permettre la libération de Jimmy Hoffa? En fait, c'est une décision qui est difficile à expliquer si on n'aborde pas la personnalité de Richard Nixon, pour commencer, mais aussi si on n'aborde pas la question de la médiatisation de ce qui se passait avec Jimmy Hoffa. C'était une personnalité connue, célèbre, charismatique, on le dit. Quand il a été condamné, il a fait appel jusqu'à la Cour suprême pour essayer de faire renverser ces décisions-là. Donc, on en parle beaucoup à cette époque-là. Richard Nixon, en 1971, il est en campagne pour sa réélection. Il faut se rappeler aussi qu'on est dans la période du Watergate, c'est-à-dire le moment où il y aura ces cambrioleurs qui se rendront aux locaux des démocrates. Donc, Richard Nixon est prêt à tout pour remporter cette élection. Ça, c'est clairement établi. Le Watergate, on n'en connaît pas encore. L'affaire n'a pas encore éclaté. Mais ça se fait à ce moment-là. Et donc, Richard Nixon a vraiment besoin de tous les appuis possibles. Et c'est difficile pour lui d'avoir l'appui des syndicats, généralement, parce que c'est quelqu'un qui prêche un peu, pas un peu, mais qui prêche la loi et l'ordre, qui prêche certaines valeurs plus conservatrices qui sont moins proches des travailleurs en général. Mais Hoffa, pour lui, c'est peut-être une porte d'entrée vers des votes de façon plus claire, plus soutenue. Évidemment, Hoffa, comme tous les syndicalistes ou comme toutes les entreprises, donne aux démocrates, aux républicains. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, parce qu'on ne sait pas encore qui sera élu. Alors, on y va un peu plus largement. Mais il faut dire aussi que dans les années 60, à l'élection présidentielle de 60, les Teamsters avaient déjà financé la campagne de Richard Nixon, parce qu'il n'était pas question de financer celle de John Kennedy, on l'imagine bien. Ouais. Donc, il y avait déjà cet intérêt pour Nixon. Alors, Nixon va commuer la peine de Hoffa en décembre 71. Et ce qu'on dit, c'est que c'est un échange de bons procédés. Je commue votre peine, vous dites à vos Teamsters de voter pour moi. Et c'est ce qui se passera maintenant, dans les archives, dans la littérature, on ne retrouve pas, évidemment, vous le comprendrez, ce détail-là, mais c'est l'explication qui est généralement proposée pour cet échange. Puis il y a des choses qui se comprennent sans que ce soit dit ou écrit formellement quelque part. Hein? On comprend une dynamique. On comprend le jeu de pouvoir qui est nécessaire ici dans le cadre de l'élection de 72. L'histoire de Jimmy Hoffa, c'est aussi l'histoire d'une disparition mystérieuse. Le 31 juillet 1975, il disparaît. On ne le retrouvera jamais. Et évidemment, Karine Prémont, depuis, il y a toutes sortes de rumeurs, de scénarios qui ont circulé. Quand on essaie, avec le recul, de départager tout ça, quels sont les scénarios les plus probables autour de cette disparition? Ben, disons qu'il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le 31 juillet 1975, Jimmy Hoffa se rend au restaurant Red Fox en banlieue de Détroit. Il a été invité là par deux mafieux, Anthony Giacalone et Anthony Provenzano, d'anciens amis devenus ennemis, etc., dans le monde interlope. Et Hoffa croit qu'il souhaite faire la paix. Alors, il se rend là. Ils ont rendez-vous à 14 h. C'est inscrit dans son agenda. 14 h 30, toujours pas de nouvelles des deux hommes. Alors, il appelle sa femme en lui disant « Bon, ça y est, je me suis fait poser un lapin. Je devrais être de retour à la maison à 16 h. » Le lendemain matin, toujours pas de trace de Hoffa. La famille appelle la police. Et ça, c'est ce qu'on sait. Ouais. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est comment tout ça s'est déroulé, comment il a disparu et qu'est-ce qu'il est advenu de lui par la suite. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que ce serait la mafia qui se serait débarrassée de Hoffa. Le FBI, en 76, a rédigé un mémo à cet effet-là en disant « On n'est pas mal sûr, mais on n'a pas de preuves pour le démontrer de façon claire, alors on ne peut pas porter d'accusation. » Ce qu'on sait aussi, c'est que les deux hommes qui avaient donné rendez-vous à Hoffa ne se trouvaient pas à Détroit au moment de la disparition de Hoffa. Évidemment, bon, c'est une technique vieille comme le monde de se faire voir ailleurs pour se donner un alibi. C'est un peu ce que les deux hommes ont fait. Il y avait des rumeurs aussi très persistantes qui disaient que Hoffa avait été enterré dans le stade des Giants de New York. Quand le stade a été détruit en 2010, on a fouillé, puis on n'a jamais trouvé de restes humains, alors on ne peut pas démontrer ça. Ce qui semble assez évident, c'est que, en fait, ce qu'on pense aujourd'hui, les théories, ce qu'elles disent aujourd'hui, c'est que Hoffa aurait été assassiné sur l'ordre de Russell Bufalino, associé à une famille mafieuse, les Genovese, à laquelle appartenaient les deux hommes qui lui avaient donné rendez-vous. Et ce serait un de ses amis qui lui aurait tendu un guet-apens, Frank Sheeran. On lui aurait dit « Il faut que tu tues Hoffa », parce que Hoffa, lui, ce qu'il voulait, il préparait son grand retour, même si Nixon avait commué sa peine en échange d'une non-participation à des activités syndicales jusqu'en 1980. Hoffa préparait néanmoins son grand retour. Et la mafia ne voyait pas ça d'un très bon œil, parce que Hoffa voulait centraliser les activités pour mieux contrôler les entrées d'argent. Et la mafia disait « Nous, on préfère son successeur, Fitzsimmons, parce que lui, justement, décentralise, ce qui nous permet, nous, de piger dans la caisse plus facilement. » Donc, c'est ce qu'on pense aujourd'hui qui serait arrivé. Ce serait son ami Sheeran qui l'aurait assassiné de deux balles dans la tête sur ordre des mafieux qui ne voyaient pas son retour d'un très bon œil. Oui, mais jamais de traces depuis. Jamais de traces, pas de corps, pas de témoignage. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges et Pascal Michaud, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.